Alors normalement on avait fini, mais devant l'assistance générale. Alors comme vous êtes tout chaud, on va vous en faire une qui est pas fraîche. Alors s'il y a des pains dedans, c'est pas grave. C'est le petit morceau pour se lâcher en fin de set. Enfin pour le public hein, qui est resté devant, qui a pas osé bouger. Si vous voulez pogoter un peu, c'est le moment. Hein. Après c'est foutu. C'est un hommage à la chanson française. Pour tous ceux qui apprécient les textes de Léo Ferré, Jacques Brel, Brassens et accessoirement Guy Béard, nous avons pensé à cette chanson. Attention, tu risques de choquer quelques personnes là quand même. Nous risquons de choquer. Oui, les enfants sont-ils couchés? De toute façon, ils la chantent déjà dans les cours d'école. C'est une chanson sur la sagesse populaire qui est transmise de génération en génération. Voilà, une reprise de Guy Béard. Ça s'appelle Hommage aux anciens du CE2. Voilà. Et on va essayer de vous la faire sans se planter parce qu'elle est vraiment toute fraîche. Hein. Ma grand-mère est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle pisse dans le lavabo et trouve ça rigolo. D'ici 10 minutes à la buvette. Voilà, à suivre Prima Lambda et Manifeste. dans l'ordre. On va faire une petite pause, le temps de rebrancher les instruments, là, on dégouline un peu. T'as oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, oui, oui. En fait, on a oublié de vous dire. Je vais me faire allumer, là. Donc, en fait, il y a une petite urne à l'entrée. Il n'y a rien d'obligatoire, mais pour ceux qui souhaitent déposer un peu de monnaie, voilà, c'est la caisse noire de l'AMRA. Hein. C'est avec ça qu'on part au Baléares, on fait des fêtes à Ibiza. C'est gentil, mais je pensais pas à ça. On achète des cubits blancs avec ? Ah oui, et puis, ouais. Bah ouais, merci à Tignan. Merci à Tignan. Merci à vous, à plus tard.